Voilà, c'est l'intempestive. On écoute aujourd'hui la deuxième partie d'un entretien avec Madame Silla. Madame Silla est journaliste sur Fréquence Paris Pluriel au sein de l'émission Soninké, La Voix de l'APS. Elle a fait paraître en septembre un petit livre, De Radio Mauritanie à Fréquence Paris Pluriel, le parcours d'une journaliste au service de sa communauté. On avait réalisé un premier entretien, écoutable en permanence sur www.intempestive.net. Et dans cette première partie, Madame Silla nous avait parlé de son enfance à Bakel au Sénégal, puis de son mariage avec un Mauritanien, un imprimeur dont elle va nous parler tout de suite, et de son embauche plus tard à Radio Mauritanie. On s'était arrêté là, dans cette deuxième partie. On va changer progressivement de continent puisque son mari va s'installer en France et puisqu'elle-même va être chassée de Mauritanie par le conflit sénégalo-mauritanien. On reprend le fil du récit. Alors ensuite, il y a une première rupture, une nouvelle rupture, c'est votre mari qui doit partir en France. En France. Pourquoi est-ce qu'il s'en va à ce moment-là? Donc, mon mari, vous voyez, c'était un syndicaliste. Et en plus, il travaillait, comme je vous ai dit, il a voulu se reformer, avoir plus de diplômes, puisqu'ils étaient, il y avait les Allemands qui étaient là-bas pour les encadrer. Après le départ des Allemands, lui, il a voulu se former, il a demandé une bourse, ainsi de suite. Après quelques économies, il a voulu venir lui-même se former sur place pendant 2 ans et retourner en Mauritanie. Voilà, c'est ça qui l'a poussé à venir ici en France. Et entre-temps, avant qu'il ne revienne, Ouais. il se passe un incident majeur, quoi, Ouais, plus qu'un incident. ouais. C'est le début du conflit entre la Mauritanie et le Sénégal en Ouais, 89. voilà. Il y a un premier incident dans un village de la frontière, Diawara, Diawara, où il y a des paysans oui. sénégalais et des éleveurs mauritaniens qui rentrent en conflit. Mais ça s'inscrit dans un contexte général de contestation de la frontière Voilà. autour du fleuve Sénégal. Qu'est-ce que ça a comme incidence pour vous? Voilà, c'est le moment inoubliable de ma vie, puisque j'étais encore, comme je dis, cette radio était une radio de fraternité. Il n'y avait pas de distinction entre Mour, Soninké, Poular, Wolof, ou tous ces gens qui vivaient ensemble dans cette Mauritanie en ce moment. On n'avait qu'un. Le but que nous avons, c'est l'avancement de la Mauritanie, c'est le développement de la Mauritanie. Et la radio était le pilier de ce développement, puisque chacun de son côté parlait d'une manière pour que les gens puissent avoir du courage de pouvoir s'investir et de dire que la Mauritanie, c'est vrai, n'est pas bien peuplée, mais très grande, avec les moyens que nous avons, les moyens humains, c'est-à-dire la fraternité qui nous unit, nous pourrons réussir. Et cette radio était une radio de gaieté. Il y avait un restaurant. La radio était construite par les Allemands, un grand restaurant où tout le monde se retrouvait, donc manger, tout ça. Il y avait le thé mauritanien qui circulait. Entre chaque émission et avant qu'on rentre dans le studio, on se retrouvait là-bas. Donc c'était la vie. Et jusqu'à un beau jour qu'on entend qu'il y a ce problème. Et il y a ce problème jusqu'à qu'il y a eu des morts. Et il y a ce problème et que ça commence à déborder. Comment ça commence à déborder, je vais vous le dire, dans les rues, quand je descendais, puisque j'ai présenté aussi le journal à 13h45, le journal. Et quand je descendais, je voyais dans les voitures des gens qui criaient « En bas le Sénégal, en bas le Sénégal », vous voyez, comme ça. Et je suis que ça dépassait les bornes. Puisque des deux côtés maintenant, on ne disait pas que le Sénégal, ce n'est pas la Mauritanie, la Mauritanie, puisqu'on trouvait les deux nationalités de part et d'autre. C'était un seul pays. C'était les mêmes personnes. Et maintenant, on a su que les choses ont changé. C'était les jours les plus durs. C'était les jours de la peur. Et c'est un moment qu'on ne s'attendait pas. C'est un moment qu'on n'a jamais pensé. Et c'est un moment que beaucoup de gens ont perdu tout ce qu'ils avaient. Tout ce qu'ils avaient comme espoir. Tout ce qu'ils avaient comme bien. Tout ce qu'ils avaient comme humanisme même, je peux dire. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées et qu'on ne veut jamais que ça se reprenne. Et que tout Mauritanien et tout Sénégalais qui est comme moi, et même qui n'est pas du Sénégal, de la Mauritanie, qui a vécu ce jour-là, ces jours-là, peut dire et va toujours prier que jamais, jamais, au plus grand jamais, qu'on ne voit encore ce qui s'est passé dans ces pays-là. Voilà. Et c'est ce jour-là que tout a arrêté pour moi aussi. Voilà, parce que les deux pays, le Sénégal se met en tête d'expulser les Mauritaniens du Sénégal. La Mauritanie se met en tête d'expulser les Sénégalais ou de leur interdire le travail. Et on peut imaginer que dans une radio d'État comme Radio Mauritanie, ça a des conséquences directes. Directes, oui. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Voilà, moi, mon cas était comme ça. Malgré tout ce qui se passait dans la rue, j'avais mon courage. Chaque matin, la voiture venait me prendre pour que je fasse le journal matinal. C'était à 7h et quelques. Et je retournais à ma maison comme d'habitude. Et je devais retourner vers 11h30 pour rentrer dans la salle de rédaction, préparer le journal de 13h et quelques, plus les communiqués, ainsi de suite. Mais chaque jour, je rentrais avec la peur au ventre, car chaque jour, il y avait des affiches qui sont affichées, des gens qui sont nés au Sénégal. Vice-versa, au Sénégal aussi, c'était pareil. Ceux qui sont au Sénégal venaient, et ceux qui étaient en Mauritanie aussi partaient. Et donc moi, malgré tout ça, je n'ai jamais vu mon nom affiché. Et malgré tout ça, je continuais quand même, comme je me dis, je suis une Mauritanienne. Quoi qu'il puisse arriver, je suis une Mauritanienne, je devais rester jusqu'au le jour qu'on me dira que je ne suis plus Mauritanienne. Un jour, avant même le conflit, mon mari était hospitalisé ici, à la Riboisière. Donc, mon mari était hospitalisé, je devais venir en vacances. J'avais déposé mon visa à l'ambassade de France pour venir le voir et que j'avais mon contrat de congé qui devait être signé et qui était signé même le jour même où il y avait des émeutes. Mais je n'avais pas ma note libératoire. Vous voyez. Donc, je continuais mes émissions. Et jusqu'au jour qu'on m'a fait, comme je suis convoquée, que c'était vraiment malgré eux et que ça vient de trop loin, que tous les gens qui sont nés au Sénégal devaient arrêter leur travail. Mais pour le moment, pour moi, comme tout le monde m'aime dans cette radio et que l'audimat était très important, donc il faut que je sache que je ne suis pas licenciée, mais je devais quand même partir. Et ils m'ont donné ma note libératoire ce jour-là. Et ce jour-là, il y avait tous les responsables de la radio. Et je n'ai pas eu de problème. Ils m'ont remis dans... ils ont appelé le chauffeur qui m'a ramené chez moi. Et au le retour, et y a ce que j'ai relaté dans mon livre, tout ce qui passait par ma tête, je l'ai relaté dans le livre. Et M. Guy, qui était le chauffeur, et qui venait me prendre chaque matin pour mon journal. Je pensais à tout ça, que c'était peut-être le dernier jour que j'ai mis mon pied dans la radio. Voilà. Et combien de temps vous restez encore à Nouakchott après ça? Enfin, est-ce que vous partez rapidement vers Paris après? Je ne suis pas partie vers Paris aussitôt, puisque j'avais mes enfants. Et que... mes enfants étaient partis. Je ne sais pas s'ils sont arrivés ou pas au Sénégal. J'avais ce doute. Et c'est après que, en ce moment, les choses étaient dures et que j'ai quitté, j'ai pris l'avion, je suis venue. Et c'est de là maintenant que je me suis mis à... parce que la communication était plus facile à partir de là, que j'ai contacté une association qui est très bien, que chaque jour que je les vois dans la rue avec leur croix, c'est la Croix-Rouge internationale, la Croix-Rouge, et que j'ai pu avoir vraiment ce contact tant... attendu. Voilà. Alors, vous arrivez à Paris pendant qu'en Mauritanie, il se passe ce que vous appelez dans votre livre une dénégrification, c'est-à-dire on fait la chasse à tous ceux qui sont plus noirs que les autres. Vous arrivez à Paris et vous entrez en contact avec plusieurs associations, notamment un comité de soutien mauritano-sénégalais. Quand je suis venue au Sénégal et en Mauritanie, c'était la folie totale. Parce que des deux côtés, que ce soit l'État mauritanien, l'État sénégalais, personne n'a pensé que c'est des frères. Donc, il ne fallait pas ça, quoi. Et que moi, lorsque j'ai pris l'avion, jusqu'à présent, on ne m'a pas dit qu'on m'a licenciée. J'ai pris l'avion, soi-disant que je vais venir en congé. Peut-être avant mon retour, tout sera calme. Et quand j'ai pris l'avion, un de nos amis, qui est aujourd'hui le secrétaire général de la PES, il s'appelle Sidiba Camara, il m'a vu dans l'avion. Lui, il réside ici en France. Il me dit... Tu as pris la fuite? Je dis comment? Hier soir, j'ai appris qu'ils t'ont licencié. J'ai dit, ah bon, ils m'ont licencié? Oui. Tu n'as pas appris? Ton nom est affiché à la radio Mauritanie qu'ils t'ont licencié. On dirait comme couper les pieds et les mains. Car moi, je me suis dit, quand je viens, je vais dire que je suis venue en vacances. J'ai mes papiers de vacances. Et qu'est-ce que je vais dire aux gens qui vont m'accueillir? Puisque quand j'étais venue ici en vacances une fois, je crois que vous l'avez lu, les Soninkés, c'est-à-dire les gens qui écoutaient le Mauritanien, m'avaient reçue comme une princesse. Ce que j'ai jamais pensé, moi qui marchais dans la rue comme qui courais avec mon agra partout dans les... Ils m'ont reçu, ils m'ont égorgé des moutons. Et lorsqu'ils ont appris que j'allais venir encore, j'ai reçu vraiment un grand comité d'accueil. Mais est-ce que je vais mentir? Est-ce que je dois leur dire la vérité sur place? cette vérité que je ne connais même pas et que je viens de l'apprendre. Et maintenant, les gens me disaient, les gens qui sont venus, tu es bienvenu, tu vas bien passer tes vacances, et ainsi de suite. Et mais en moi, je sais que ce n'est plus des vacances, c'est autre chose. Depuis le lendemain de ma venue ici en France, je cherchais à comprendre si je suis licenciée ou pas. Puisque j'avais des autorités qui étaient là-bas, qui étaient des amis proches à mon mari et à moi-même, je n'arrêtais pas de téléphoner, mais il n'y a jamais de réponse. J'avais des gens qui sont venus en délégation des ministres ou bien des conseillers des ministres que je connaissais, qui sont descendus dans des palaces et dont j'ai tout fait pour avoir leur numéro de téléphone et l'adresse, et que des amis m'ont mis dans la voiture avec mon mari. Je suis allée les demander pour voir qu'est-ce que vous connaissez de ma situation, car moi, je ne veux pas rester en France. Je suis faite pour la Mauritanie, je devais retourner en Mauritanie. Ils me disent, de toutes les manières, reste tranquille. Dès que nous irons, on vous dira quelque chose de clair. Et jamais ce coup de fil ne venait. Et j'ai passé toute ma vie à errer. C'est vrai, il y avait des gens qui venaient, mais je n'avais pas l'esprit à ces gens maintenant. Et un beau jour, après un mois de vacances, deux mois de vacances, mon mari m'a dit, tu ne vas plus partir. Il faut que tu restes. Puisque les choses ne sont pas apaisées. Chaque jour, on voit ce qui se passe à la télé. Et donc, tant qu'on n'a pas la confirmation que tu n'es pas licencié et que tu peux vivre là-bas en paix sans problème, je ne vais pas te laisser partir. Je disais, et mes enfants? Comment puis-je vivre en France et laisser mes enfants? Toi, tu étais là, mais j'ai vécu toute ma vie avec mes enfants. Même si je devais mourir, je devais retourner pour quand même chercher et connaître où sont mes enfants et vivre bien avec mes enfants, même si c'est dans ma maison familiale, à Bakel. Voilà. Et alors, vos enfants, finalement, viennent aussi en France? Viennent aussi, oui. Par l'aide de la Croix-Rouge et aussi d'une présidente d'association qui s'appelait ASTI en ce temps, qui est Claudette Baudin, que je remercie, que je n'arrête jamais à la remercier, et qui m'a aidée et jour et nuit, et qui m'a apaisé le cœur. Et je ne peux jamais l'oublier. Et je la remercie et je continuerai toujours à la remercier. Voilà. Et quand vous arrivez donc dans ces conditions vraiment difficiles, puisque les portes vous sont fermées en Mauritanie, votre mari vit dans un foyer de travailleurs. Voilà. Et donc vous vous installez avec lui et les enfants aussi. Comment ça se passe? Avant l'arrivée des enfants, j'étais une ESDF, vous voyez. Donc je passais la nuit chez des amis ici aujourd'hui, demain là-bas. Mon mari payait les hôtels les plus moins chers puisqu'il n'avait pas aussi les moyens aujourd'hui, demain là-bas. Et que moi, je suis jamais... On est venu dans un moment très dur. C'était l'automne, il pleuvait beaucoup. Il y avait la pluie. Et je ne suis pas habituée trop aux chaussures fermées, dures, là. Ça me faisait trop mal aux pieds. Je marchais avec mes chaussures et je n'arrêtais pas de tomber. Vous voyez, j'étais tout. Et aussi, je m'habillais. Je n'avais pas cet esprit que de changement de civilisation. Je m'habillais à l'africaine. Le manteau. Donc, c'était une vie de USDF que je vivais, mais sans que les gens le sachent. J'étais amaigrie, je ne dormais pas, j'avais perdu tout ce que, pour moi, ma vie est brisée et je ne vais plus jamais me relever. Pour moi, c'était ça, ma vie. Et que, est-ce que je pourrais encore reconstituer cette vie, cette famille qui est cassée? C'était ça, ma préoccupation. Mais seulement les souvenirs qui m'ont bien soutenue. ainsi que les saints nouveaux se sont installés au 16e siècle. Ainsi, les groupes étaient déjà là avant le 16e siècle. C'est ainsi que les baoulés se sont installés au 18e. C'est ainsi que des djoulas se sont installés au 17e siècle. À propos des nationalités, ils ont des difficultés parce qu'ils ont des cousins en Casamance. Même s'ils ont des cousins en Sierra Leone, est-ce qu'il n'y a pas de Kwame au Ghana? Wanyanyafo, beye fere, nanganyafo, biwo, beba yere soro. Il était une fois une terre cosmopolite sur laquelle des peuples se sont retrouvés. C'est ainsi que les saints nouveaux se sont installés au 16e siècle. Ainsi, les groupes étaient déjà là avant le 16e siècle. C'est ainsi que les baoulés se sont installés au 18e. C'est ainsi que des djoulas se sont installés au 17e siècle. À propos des nationalités, ils ont des difficultés parce qu'ils ont des cousins en Casamance. Même s'ils ont des cousins en Sierra Leone, est-ce qu'il n'y a pas de Kofi au Togo? Wanyanyafo, beye fere, wanyanyafo, biwo, beba yere soro. Ni boko pra tu trabana na kanyafo bi be ba yere soro. Cultivons l'unité et la paix. Il ne faut pas se contenter de le dire, mais il faut l'avoir dans le comportement. Autant on peut fabriquer des révoltés avec des doctrines, on peut aussi en fabriquer avec l'injustice. Après Tikanja Fakoli sur Fréquence Paris Pluriel dans l'intempestive, on retrouve Madame Silla qui va nous parler maintenant de son installation en France. Et quand vous arrivez, est-ce que vous êtes surprise de la manière dont vit votre mari? Puisque vous parlez en fait dans votre livre de cette image qu'ont les personnes au Sénégal ou en Mauritanie des immigrés quasiment comme des rois et qui dilapident un peu l'argent qu'il leur est envoyé. Et vous d'ailleurs, vous citez une phrase très belle. Si un immigré te donne un franc, il ne faudra jamais le négliger car c'est une goutte de sang qu'il t'a offert. Voilà. Donc, au moment que la première fois que j'étais venue, j'ai vu l'image de cette vie de je ne sais pas vous expliquer cette vie de pacha, puisque j'étais reçue, il y avait des moutons. Quand je pars dans les foyers, j'étais bien dans une chambre, les gens m'entouraient, il y avait la bouffe, il y avait tout. Celui qui revenait de son travail avant qu'il vienne dans la chambre où j'étais, il était bien habillé, vous voyez, tout ça. Et cette galère qui était dans la rue, dans la société française, je l'avais pressentie, mais seulement je me disais, j'avais vu le temps, puisque c'était l'hiver et il y avait, donc c'est le temps qui m'avait frappé ma première venue ici. Je disais aux femmes de savoir que ces hommes qui sont là, ils vivent sous la neige, ils vivent seuls. Mais je n'avais pas su quelle vie ils venaient ici. Et c'est en 89, à mon arrivée ici, que que j'ai su la France, que j'ai vu la France, que j'ai observé la France, même si je ne l'ai pas connue, j'ai vu quand même cette société, comment elle est. J'ai entendu ce nom, galère. Galère que je voyais seulement dans les dictionnaires et que je voyais des gens qui me disaient « je galère, je suis dans la galère ». Ça m'a trop choquée et moi-même j'ai galéré aussi. C'est en ce moment que je suis que la France, ce n'est pas ce que je pensais. Venir, avoir de l'argent, changer sa vie, changer la vie de sa famille, changer la vie des voisins, changer même la vie des passants, puisque quand quelqu'un vient de la France, les gens qui viennent le saluer, ils te donnent de l'argent. Donc pour nous, la France, c'était un pays de merveille, le pays de merveille, comme on le dit. C'est le pays de la richesse, c'est le pays du bonheur, c'est le pays. Dès qu'on rentre, on change aussitôt, on a tout ce qu'on a. Et c'est à partir de 1989 que moi-même j'ai galéré et que je sais que la France n'est pas ce que je pensais. Alors comment ça se passe justement? Une fois que vos enfants sont arrivés, vous ne pouvez pas vivre dans le foyer puisque les foyers n'acceptent pas les habitants supplémentaires. Comment ça se passe pour vous? Donc, mon mari avait un ami qui s'appelait Boubou Tamboura. Il était dans deux pièces, 11e arrondissement. En général, chaque fois qu'on quittait l'hôtel ou bien qu'on passait la nuit chez un de nos amis, puisque comme je disais, on errait un peu partout. Et le matin, on faisait la queue à la préfecture pour voir comment. Donc maintenant, c'était décidé que je ne pouvais plus retourner. Comment on devait faire pour que je puisse avoir ma carte de résident comme mon mari, comme il l'avait. C'est là-bas qu'on partait. Je me sentais bien à l'aise parce qu'on causait, on mangeait, on était au chaud. Et maintenant, Boubou Tamboura nous a dit, je connais mon bailleur, le bailleur de l'immeuble, je le connais. Il est très gentil, il est vieux. Monsieur Berdaï. Monsieur Berdaï, c'est un juif. Il est très gentil ce jour-là. C'est pour cela que j'ai dit dans mon livre, c'est pas la religion qui compte. Qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit athée, qu'on soit toutes les religions du monde. Ce qui concerne, ce qui est intéressant dans la vie d'une personne, c'est la bonté. Voilà. Ce vieux, je ne l'oublierai jamais aussi, il fait partie de ma vie. Parce que un jour, monsieur Boubou Tamboura nous a conduit à son bureau. Il ne devait même pas nous recevoir ce jour-là. Mais dès qu'il a vu Boubou, il connaissait bien Boubou. Il a dit, Boubou, qu'est-ce que tu viens faire ici encore? Il dit, voilà, on va se voir, on va se voir. Il est rentré, après s'est assis. Il a dit, je voulais savoir si vous avez même une pièce pour ces deux personne, c'est un ami intime avec sa femme, ils sont... Il a dit, non, maintenant, Boubou, il n'y a rien maintenant, il n'y a absolument rien. Dans ton immeuble, tu sais, tout est occupé. Il y a l'immeuble de Boulogne, il n'y a rien, ainsi de suite. Aussitôt, ce monsieur, il m'a regardé, il a vu ma situation. Il m'a demandé, vous êtes... ça fait pas longtemps que vous êtes là. Vous travaillez? J'ai dit non, je ne travaille pas. C'est mon mari qui travaille. C'est ton mari qui travaille. Et toi? J'ai dit moi, j'ai commencé à pleurer. Mais je n'ai pas voulu montrer mes larmes. Parce que je ne voulais pas lui montrer ma misère. Je lui ai dit, si toutefois que vous nous trouvez une chambre, puisque mes enfants, j'ai été séparée de mes enfants. Mes enfants sont au Sénégal. Le conflit sénégalo-mauritanien m'a poussée à venir en France, que je n'ai jamais voulu résider. Et que je suis séparée de mes enfants, je n'ai pas où passer la nuit. C'est pour cela que Bobo nous a conduits chez vous. Je ne sais pas si ça lui a rappelé quelque chose d'être séparée de ses parents et de ses enfants. Aussitôt, ce vieux m'a regardé d'une manière, ce regard, je ne vais jamais l'oublier. Il ne va pas me reconnaître s'il est vivant aujourd'hui, même s'il me voit, il ne va pas me reconnaître. Au plus grand jamais, je ne l'oublierai jamais son regard. Il m'a dit, madame, allez-y, demain, vous viendrez me voir. Et c'est ce monsieur Berdaï qui nous a donné un logement, une pièce, mais quand même une grande pièce qu'on a pu séparer en deux, qu'on a fait une chambre à coucher, un salon, comme un studio, et qu'on a eu à Marcel Samba, les 9 villas Pauline à Marcel Samba, dans le département 92. Voilà, c'est de là que ma vie a commencé à démarrer. Est-ce que vous obtenez après, puisque vous décidez de vous installer là, est-ce que vous obtenez facilement des papiers à ce moment-là? Jusqu'à présent, j'ai pas. C'est vrai, j'avais commencé à faire les démarches de mes papiers, parce que je ne pouvais pas rester sans en situation irrégulière. Pour moi, c'est anormal. Même si je devais retourner, il faut quand même que je cherche mes papiers. Mais lorsqu'on est venu à Boulogne, on était bien accueillis quand même par les services sociaux de Boulogne. Ce n'est pas comme... Je ne sais pas si les choses ont changé, mais Madame Marchand, qui est une assistante sociale qui était à Boulogne, nous a rendu visite à la maison. Il a vu quand même ma situation. Il a vu aussi la situation de mon mari qui travaillait en même temps qu'il faisait ses études, qui a vu aussi dans son esprit que le retour. Et que moi aussi, dans mon esprit, c'était le retour. Mais le retour, où est-ce qu'on va retourner? Dans quelles circonstances? Avec qui? Avec votre mari qui n'a pas fini ses études? Ou avec vos enfants qui sont au Sénégal et tu ne sais même pas si tu pourras les faire retourner en Mauritanie? Madame Dimera, je t'encourage de reprendre tes études ou de chercher à travailler et d'attendre ce qui se fera demain. Ça, c'est les paroles de Madame Marchand. Voilà. Et alors, vous commencez effectivement à travailler peu de temps après? Voilà. Le service intermigrant, il existe toujours, c'est le service d'interprétariat. Donc, ils nous envoyaient dans les hôpitaux, dans les familles, dans les centres sociaux, l'ADAS, un peu partout. Donc, nous faisons l'interprétariat entre les familles et l'autorité, c'est-à-dire les familles qui ne parlaient pas bien le français et aussi les services qui demandent quoi, c'est-à-dire les hôpitaux comme moi j'ai fait l'hôpital Montreuil, l'hôpital Saint-Antoine, plusieurs endroits, donc voilà, et qui m'a construit puisque ça m'a permis de savoir plusieurs problèmes de ce pays et plusieurs problèmes que rencontrent les familles et aussi le mur qui existe entre l'école et les familles et aussi tout ce qui est les malentendus entre les hôpitaux et les familles. Parce qu'en ce moment, c'était le temps de la césarienne qui est mal vécue par la société africaine et mal vue. Et donc, vous aviez un rôle d'information sur la césarienne? Voilà. Pour dire aux femmes que ce n'était pas risqué de le faire? Oui. Parce que dans notre société, on pensait qu'on allait tout le temps retourner. Comme je vous ai dit, nous n'avons jamais pensé qu'on est des résidents. on est toujours, pour nous, dans nos têtes, on était là pour un temps, on devait retourner. Et nos familles pensaient, quand on fait la césarienne, la femme, quand elle retournera au pays, elle ne pourra plus prendre le pilon pour piler le mil. Vous voyez, elle ne pourra plus porter l'eau, partir au fleuve, porter l'eau et remplir sa calebasse, puisqu'elle a la déchirure du bas-ventre. Elle ne pourra plus faire ses travaux champêtres. Vous voyez? Et c'est pour cela que les hommes ne voulaient pas que leur femme fasse la césarienne. Et que des fois, il y a des vies qui sont vraiment... La vie est plus importante que toute chose. Et nous, nous étions là pour leur faire comprendre pourquoi on fait la césarienne. C'est la vie de la femme et la vie de l'enfant. Soke kanyi asiri bolola kayala Muso ukafo ka uwale nyumando Muso ukafo ka ubonya dunya so Kono kanyi asiri jiri la kayala Muso ukafo ka uwale nyumando Muso ukafo ka ubonya dunya so Woyi kumba ala muso ya yedoni ye Muso utabe ya time wala nyemanda Muso ukafo Kwa ubunya dunya so Kokorofe Rokia Traoré, toujours sur Fréquence Paris Pluriel, toujours dans l'intempestive. On revient tout de suite avec Madame Silla qui nous a parlé donc de son premier travail au sein du service intermigrant et qui évoque maintenant son arrivée au sein de l'ASTI, l'association de soutien aux travailleurs immigrés, puis ses retrouvailles avec la radio. Toujours l'association de Claudette Baudin, c'est toujours presque la même chose, c'est de sensibiliser les familles autour de beaucoup de choses, des points tabous dont je vous ai dit. Et aussi, il y avait le problème de logement en ce moment. Et elle s'est bien investie dans ça. Et aussi, il y avait le problème de la polygamie dont on parle maintenant, et que les femmes vivaient à deux dans une pièce ou dans deux pièces. C'était difficile avec des enfants. Et aussi, il y avait le problème de l'immigration tout court, des gens qui venaient sans papier et qui devaient savoir ce qu'ils devaient fournir, la constitution des dossiers. Et aussi, il y avait ce problème que je viens de dire, le problème des hôpitaux, les conflits entre, ce n'est même pas un conflit, le malentendu entre le service médical et nos ressortissants. Voilà, et c'est dans ce programme que Claudette m'a demandé qu'on monte un dossier pour qu'on puisse faire une émission ensemble à la Radio Libertaire. Je me suis dit, oui, c'est bien, si ça permet de sensibiliser les gens autour de ces points. Et comme c'est la radio qui est un lieu plus vaste pour pouvoir communiquer avec les autres, c'est la clé de la communication, pourquoi pas? Voilà, et c'est comme ça qu'il a remonté le dossier à mon nom. Et aussi, et on a commencé l'émission. Entre-temps, moi, j'ai accouché de moi et je n'ai pas pu continuer l'émission, voilà. Elle s'appelait comment, l'émission, sur Radio Libertaire? Et c'était La Voix de Kumbi. La Voix de Kumbi. Voilà. C'est quoi, Kumbi? Kumbi, c'était la capitale des Soninké, Kumbi Salé, l'empire de Ghana. C'était l'empire des Soninké, l'empire entre l'empire Mandingue et l'empire Sorai, il y avait l'empire de Ghana. Et cet empire de Ghana, c'était dirigé par les Soninké. Donc la capitale était Kumbi. Et Kumbi, actuellement, on le retrouve en Mauritanie, vers Nema. Voilà. Les archéologues ont vraiment découvert pas mal de choses. Voilà. Donc vous vous consacrez après à votre jeune enfant. Ouais. Puis vous rencontrez l'APS. Ouais. Et on va arriver tout doucement, tout mais doucement, sûrement, oui. À le début de votre émission sur Fréquence Paris Pluriel. Voilà. Alors peut-être vous pourriez revenir sur votre rencontre avec l'APS. Apparemment, l'APS était toujours là quand même. Parce que l'APS, comme je vous ai dit, c'est la vieille association Soninké. Tout ce parcours, j'étais avec les membres de l'APS, mais je n'ai pas voulu travailler dans l'APS, quoi. Je me suis dit, quand ils ont une fête ou quand ils ont des débats, je peux participer. Mais quant à travailler dans l'APS, je ne me vois pas bien, quoi, parce qu'il n'y a que les Soninké. Et quand on travaille avec des gens très proches, on a des choses qu'on ne pourra pas dire. Et que moi, je veux tellement garder ma liberté d'expression que je ne veux pas choquer trop cette société qui est la source des Soninké. Voilà, c'est donc le président Djadji Soumaré. Et pendant toute cette galère, plus leur secrétaire général Sidiba qui m'a annoncé mon licenciement. Les liens étaient toujours là, mais ils sont arrivés à un moment qu'il n'y avait pas de femme, il n'y avait pas de médiatrice qui était avec eux. Et qu'ils sont venus en groupe, ils m'ont dit que tu le veuilles ou pas, tu vas travailler maintenant à la PES, parce que tu vas travailler pour toi-même. J'ai dit si vous pourrez me supporter, j'aurai toujours ma liberté d'expression, ma façon de parler. Et qu'on va tous ensemble habituer les Soninké à leur dire la vérité, que de camoufler la vérité, quoi. Voilà. Et donc, l'APS, pendant que vous commencez à y travailler, se met à faire une émission sur FPP. C'est à votre initiative que cette émission est créée ? La paix, mon arrivée à la paix, c'était un moment vraiment où socialement c'était dur, c'était explosif, c'était vraiment un moment de très problématique en France, parce que la loi Pasqua est venue. Et aussi, avant la loi Pasqua, vous savez, il y avait la loi de 1981 que Mitterrand avait mis en place, que chaque femme qui a un enfant, l'enfant est automatiquement français et la maman devait avoir sa carte de séjour de 10 ans. Quand on a un enfant français, donc automatiquement, on a la carte de séjour de 10 ans. Et que nos hommes qui ont fait la polygamie, vous voyez, un homme, quand il amène une femme, elle a sa carte de 10 ans quand elle a un enfant. L'État savait déjà que cet homme, qui est M. Djimera, je prends le nom de mon mari pour ne pas indexer une autre personne, M. Djimera, la première femme est venue, elle a un enfant, elle a eu sa carte de séjour de 10 ans où il a fait un regroupement familial normal. La première femme est venue. Donc son nom est sur ses papiers et son nom est sur le livret de famille. Une autre femme est venue, elle est Madame Djimera, elle a eu un enfant. Sur encore ce livret de famille, son nom est écrit, Madame Djimera, elle a sa carte de 10 ans. Une troisième femme, une quatrième femme, si je veux taquiner les Diawara. Donc comme ça, aussitôt, donc, les femmes étaient là, elles ont fait leurs enfants, elles étaient à l'aise. Elles ne travaillaient pas, elles partaient accueillir les enfants comme en Afrique, elles s'occupaient de leurs enfants. Avant que les enfants viennent, elles cuisinaient. Quand les enfants devaient descendre, elles sont devant l'école, elles prenaient leurs enfants. Puisque chez nous, la richesse, la première richesse de la personne, c'est l'enfant. Et ces femmes maintenant, aussitôt, dans ce cadre, elle se sentait bien intégrée, chacune s'occupait de son enfant, malgré les conflits dans les maisons, puisque les maisons de la France ne sont pas faites pour une, deux ou trois ou quatre femmes. Vous voyez, les services sociaux étaient débordés. Il y avait des problèmes, il y avait aussi des problèmes d'insécurité aussi, puisque ces enfants étaient en tassés dans des petites maisonnettes, des maisons très vieilles dont la situation n'est pas vraiment normale pour la santé des enfants et de la famille, et que aussitôt dans ce même problème vient la loi Pasqua qui dit net sur place tout celui qui a deux femmes, donc tu n'as plus droit à la carte de séjour, il n'y a que la première femme qui a droit à sa carte de séjour, et toutes ces femmes se voient dépourvues de ce qu'elles avaient. Et aussi, le mari aussi il se trouve dans la précarité puisque il n'a plus que la carte de touriste, c'est-à-dire la carte de 3 mois. Donc, certains maris ont été licenciés. Donc, voyez, donc la précarité plus précarité, ça devient quoi? La pauvreté totale. Et cette pauvreté a poussé les enfants maintenant. Donc, cette pauvreté n'est plus sur les parents. Puisque les parents, ce qu'ils veulent maintenant, c'est de courir chaque matin à la préfecture pour pouvoir avoir ce qu'ils ont perdu. Et que les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ces mamans, en ce moment, ils leur ont dit, vous êtes deuxième femme, il faut que vous ayez des ressources. Et pour avoir des ressources, il faut travailler. On peut avoir 2 heures de temps à Boulogne et qu'on habite à Saint-Denis. Il faut voir le parcours qu'elle devait faire. Donc, elle n'a plus même le temps de préparer son enfant le matin de bonne heure pour que son enfant aille à l'école et faire tranquillement ses études. Non, elle pense d'abord à ne pas être en retard à l'école pour ne pas perdre ce boulot, pour avoir son bulletin de salaire, régulariser sa situation. Sinon, elle va se trouver au Mali où elle laisse ses enfants. Et dans notre société, aucune coépouse ne va jamais, jamais, plus grand jamais, laisser son enfant dans les mains d'une autre femme. Voyez, donc c'était le moment le plus dur de notre vécu en France. C'était le moment le plus dur. Et il y a eu tellement de dégâts qu'on ne peut pas citer. Car quand on accueille les gens, il faut les accueillir dans des conditions de clarté et aussi avec un ton ferme. Nous sommes des Français. Ici, en France, la polygamie est carrément interdite. Mais la façon dont cette polygamie a été faite, on peut dire que l'État français était au courant. Voilà, donc moi, je suis venue en ce moment à la paix, un moment dur, dont on a dit il faut qu'on parle. Et quand on devait parler et qu'on est venu, moi, j'ai pensé un jour qu'on a trouvé une radio. Une radio, et Dieu nous a conduit vers Guy, qui était le directeur de la radio, et qui nous a accueillis, et il nous a donné une heure de temps, et c'était vraiment le plus grand jour de notre vie, puisque les gens ont commencé à écouter. Au premier plan, Guy ne voulait pas qu'on parle soninké, mais on lui a fait comprendre que la plupart de nos auditeurs, des immigrés qui sont là, n'ont jamais pensé à apprendre. Jamais. Pour eux, l'instruction est secondaire. Ce qui était la priorité, le primordial, c'était de travailler, d'envoyer l'argent au village. Puisque c'est des gens qui n'ont jamais pensé à rester en France. C'est des gens qui ont tout le temps pensé « on va retourner ». Ils ont fait des caisses où il y a des sommes colossales. Ces caisses sont faites seulement pour rapatrier les corps. Donc, ce n'est pas des gens qui se sont préparés à l'avenir, à construire l'avenir de leurs enfants ici en France. Et voilà, c'est dans ce problème que nous sommes là-dedans maintenant. Nous sommes venus en France pour travailler, pour gagner quelque chose, mais on a perdu pas mal de choses, puisqu'on a perdu notre dignité, la dignité de la personne, puisque quand tu vois ton enfant dans des conditions dont tu ne veux pas, mais la plupart des familles n'ont que les larmes aujourd'hui. Voilà. Donc vous avez commencé cette émission, où vous avez pu parler en soninké. Et c'était important pour Fréquence Paris Pluriel que vous gardiez quand même une grande partie en français. En français, oui. Pour pouvoir échanger. Échanger, oui. Et nous avons su, c'est très important, ce que Fréquence Paris Pluriel nous a dit. Puisque la plupart de nos enfants qui sont nés ici en France ne parlent pas soninké. Donc tout ce que les messages que nous devons adresser à la communauté et à tous les immigrés, puisque ce n'est pas la communauté soninké seulement qui nous téléphone, c'est tous les immigrés de la France qui nous téléphonent, puisque c'est la même maladie que nous souffrons, nous tous, puisque on est tous dans le même bateau. Nous tous, on avait l'idée, surtout les immigrés ouest-africains, je vous dis, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie et une partie de la Côte d'Ivoire. Puisque l'Afrique centrale, je ne peux pas parler, je ne les connais pas assez. Donc, cette partie, nous sommes dans le même bateau, nous avons les mêmes souffrances aujourd'hui. Donc, peut-être ça va prendre du temps, mais on est dessus pour que les gens apprennent. À la PES, il y a des cours pour les femmes, il y a des cours pour les parents, les hommes, il y a des cours français, il y a des cours soninké aussi pour les enfants qui sont nés ici, pour que les parents et les enfants puissent converser. Voyez, moi je parle cette langue, vous ne parlez pas cette langue, puisque les parents ne parlent pas français, les enfants ne parlent pas soninké. Donc voilà. Notre but, c'est, ce n'est pas éduquer, on ne peut pas éduquer les gens, mais donner l'information au plus large que possible pour que les familles puissent s'entendre, puisqu'on ne retournera plus jamais. On pense qu'on ne va plus jamais retourner. Nos enfants ne vont pas partir en Afrique, ce ne sont pas des Africains. Et la plupart des parents ne peuvent pas partir et laisser leurs enfants ici. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sila. Merci. Voilà, l'intempestif, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez l'intégralité de cet entretien ainsi que les précédents sur www.intempestive.net. Nous, on se retrouve dans 15 jours. En attendant, gardez l'écoute. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer